Yeah. Crois que c'est le moment de sortir le champagne. La nouvelle raison de célébrer. Yeah. Une nouvelle raison de nous haïr, de nous aimer. CDC. Fort. Yeah. Fouini, quoi? Je vais monter leur haine car tu prends du poids. Je vais monter leur haine car tu montes en scène. T'inquiète, mets-les tous à genoux comme un quad. Vrai, j'en voulais au monde entier. 30 balais, je suis déjà rentier. Frère, on vient de loin, demande à Canardo. Le brolic planqué dans la galardo. C'est pas de ma faute si t'as pas le niveau. Je rappe mieux que ta grand-mère. La pute qui nous sépare, c'est quelques zéros. Baisse d'un ton, fais monter les tarots. Rien à changer, pourquoi se presser? C'est décès, quelques décès. Jamais stressé, rien à péter. Riche d'hiver en été, trop facile. Au fond, je crois que mon succès est facile. Le rap français, c'est comme le gingembre au bœuf. Que tu as la racine. J'ai la rage depuis Jean Massé. Depuis j'ai vu Lilia s'entasser. Si je ferme les yeux devant les condés, c'est sûrement que ces bâtards m'ont gazé. Refrain. Disque de platine, pour nous c'est trop facile. Faire des putains de bleu-tu, pour nous c'est trop facile. Sortir en condi gros, pour nous c'est trop facile. F458 semer les chemises, pour nous c'est trop facile. Faire fumer en 2-2, pour nous c'est trop facile. Assumer le bon baveux, pour nous c'est trop facile. Faire du rap français, ouais, pour nous c'est trop facile. Il paraît que tu te tries, moi j'en suis navré, pour nous c'est trop facile. Elle dit qu'elle m'adore, moi j'adore la nouvelle avant t'adore. Hein, j'passe les rapports, quoi, t'es en chien, pas mince alors. Wesh, bien quoi, Renoir si t'as mis des asbas. L'équipe qui frappera chez toi ne sera pas témoin de Jéhovah. Casse-moi pas les couilles, ouais, Renoir, j'suis busy. Plus place sur mon passeport comme sur le corps de Wheezy. Y'a que pour peser la C qu'on traîne avec des balances. Ouais ma belle traîne avec ton chéquier, je répondrai à tes avances. Faire un 2-3 millions pour nous c'est trop facile. On retrouvera leur cadavre dans un putain de baril. J'ai 6.3 raisons de voir le bout du tunnel. Je passe de DBZ au DB9, va le dire à tous ces ML. Disque de platine, pour nous c'est trop facile. Faire des putains de bleu-tu, pour nous c'est trop facile. Sortir en condi gros, pour nous c'est trop facile. F458 semer les chemises, pour nous c'est trop facile. Faire fumer en 2-2, pour nous c'est trop facile. Assumer le bon baveux, pour nous c'est trop facile. Faire du rap français, ouais, pour nous c'est trop facile. Il paraît que tu te tries, moi j'en suis navré, pour nous c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop facile. Balance le riz, la viande et la sauce d'agatine. C'est trop facile, c'est trop facile. Et si je rentre dans l'histoire, c'est que je sors de la cabine. C'est trop facile, c'est trop facile. Balance le riz, la viande et la sauce d'agatine. C'est trop facile, c'est trop facile. Et si je rentre dans l'histoire, c'est que je sors de la cabine. Polo Versace, ta mamie coûte et tricot. Retourne à l'entraînement, petit, demande à Mourinho. Je travaille en silence, mais mon succès fait du bruit. Je mets des barres sur les T, les points sur les compètes qu'on lève en I. Disque de platine, pour nous c'est trop facile. Faire des putains de bleu-tu, pour nous c'est trop facile. Sortir en condi gros, pour nous c'est trop facile. F458 semer les chemises, pour nous c'est trop facile. Faire fumer en 2-2, pour nous c'est trop facile. Assumer le bon baveux, pour nous c'est trop facile. Faire du rap français, ouais, pour nous c'est trop facile. Il paraît que tu le tries, moi j'en suis navré, pour nous c'est trop facile.